Troisième partie, les commandements de Dieu et de l'Église. Chapitre 1. Les commandements de Dieu en général. De quoi est-il question dans la troisième partie de la doctrine chrétienne ? Dans la troisième partie de la doctrine chrétienne, il est question des commandements de Dieu et de l'Église. Combien y a-t-il de commandements dans la loi de Dieu ? Les commandements de la loi de Dieu sont au nombre de 10. Je suis le Seigneur ton Dieu. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Deuxièmement, tu n'emploieras pas en vain le nom de Dieu. Troisièmement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Quatrièmement, honore ton père et ta mère. Cinquièmement, tu ne tueras pas. Sixièmement, tu ne feras pas d'impureté. Septièmement, tu ne voleras pas. Huitièmement, tu ne diras pas de faux témoignages. Neuvièmement, tu ne désireras pas la femme d'autrui. Dixièmement, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Pourquoi les commandements de Dieu ont-ils reçu ce nom ? Les commandements de Dieu ont reçu ce nom parce que c'est Dieu lui-même qui les a imprimés dans l'âme de tout homme, qui les a promulgués sur le mont Sinaï, dans la loi ancienne, gravée sur deux tables de pierre, et c'est Jésus-Christ qui les a confirmés dans la loi nouvelle. Quels sont les commandements de la première table ? Les commandements de la première table sont les trois premiers qui regardent directement Dieu et les devoirs que nous avons envers lui. Quels sont les commandements de la seconde table ? Les commandements de la seconde table sont les sept derniers qui regardent le prochain et les devoirs que nous avons envers lui. Sommes-nous obligés d'observer les commandements ? Oui, nous sommes tous obligés d'observer les commandements, parce que tous nous devons vivre selon la volonté de Dieu qui nous a créés, et qu'il suffit d'en violer gravement un seul pour mériter l'enfer. Pouvons-nous observer les commandements ? Nous pouvons certainement observer les commandements de Dieu, parce que Dieu ne nous commande rien d'impossible et qu'il donne la grâce de les observer à qui la demande comme il faut. Que faut-il considérer d'une manière générale en chaque commandement ? Dans chaque commandement, il faut considérer la partie positive et la partie négative, c'est-à-dire ce qu'il nous commande et ce qu'il nous défend.